Document 2, page 18. Bonjour, vous êtes le papa de Zoé ? Oui, bonjour. Je suis la maman de Cyril. Je fais une petite fête pour son anniversaire. Très bien. C'est quand ? Le 27 mars. C'est quel jour ? Mercredi ? Oui, mercredi après-midi. À quelle heure ? À 15h, 5 avenue de la Mer, au 3e étage.